Alors, en tout cas, une chose est sûre. Je serai béni pendant 40 jours. Tu seras béni pendant les prochains 40 jours. Ils seront bénis pendant les prochains 40 jours. Nous serons bénis, vous serez bénis, ils seront bénis. Parce que la bénédiction de Dieu se conjugue. C'est pas juste moi, je. C'est pas juste tu, mais c'est aussi il, nous, vous, ensemble. Pas juste moi individuellement, mais toi et moi ensemble, en tant qu'amis, en tant que connaissances, ou en tant que futurs amis, en tout cas en tant que famille de Dieu, en tant que gens qui sont, comment on peut dire, précieux aux yeux de Dieu, eh bien, nous vivrons et nous vivons la bénédiction de Dieu depuis un certain temps, certainement, mais particulièrement à partir d'aujourd'hui et pendant 40 jours. Et moi, je peux t'assurer une chose, te garantir une chose, je ne suis pas commerçant, mais il y a des choses que je peux affirmer sans hésiter, c'est que si tu t'engages dans ce voyage et dans ces prochains 40 jours, pendant les cultes, dans ta méditation quotidienne, et également en participant à un groupe de maison chaque semaine, je peux te garantir que si tu fais cette démarche sincèrement, et profondément, je peux t'assurer que tu sortiras différent de ce temps que tu mets à part pour vivre des choses avec ton Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu se révèle à celui qui le cherche. Parce que la Bible dit que à chaque fois que quelqu'un a mis 40 jours à part dans sa vie pour faire un peu silence autour de lui et pour écouter la voix de Dieu, eh bien à chaque fois Dieu lui a révélé quelque chose de particulier, Dieu a fait quelque chose de spécial dans sa vie et cette personne a compris quelque chose qu'elle a appliqué et qui l'a amené à vivre une transformation et à faire un pas de plus dans sa marche avec Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, sans hésiter, sans l'ombre d'un doute, je peux te dire que si tu fais cette démarche, sincèrement, profondément et avec foi, je peux te garantir que ta vie sera différente à l'issue de ces 40 jours. Alors, bienvenue à ces 40 jours pour vivre une vie motivée par l'essentiel. C'est votre capitaine de bord qui vous parle. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur notre compagnie Église de Dieu en France. La température extérieure est de 8 degrés environ. Mais la température intérieure est incroyablement agréable. C'est pourquoi nous allons voyager pendant environ 7 semaines et nous allons nous poser bien plus loin que l'endroit de notre décollage. Et nous allons donc passer un agréable voyage. Environ 2 repas vous seront servis à bord. Je suis sûr que vous allez passer un agréable voyage. Et en attendant, eh bien, je tiens à vous remercier d'avoir choisi notre compagnie et je vous souhaite un agréable voyage. Merci. Alors, pour commencer ce voyage, nous allons ensemble analyser ce que sont, je pense, les 3 plus grandes questions de la vie. La première, pourquoi est-ce que je vis ? La deuxième, ma vie a-t-elle une valeur ? 3e question, ma vie a-t-elle un but ? 1ère question, pourquoi est-ce que je vis ? C'est certainement la question existentielle qui est la plus ancienne posée depuis des siècles par toute personne et de toute culture. Pourquoi est-ce que je vis ? Tout le monde se pose cette question à un moment ou à un autre, et même régulièrement au cours d'une vie, je me demande pourquoi est-ce que je vis ? Et je le disais, ça fait des siècles que cette question existentielle habite le cœur de l'être humain, de toute culture. D'ailleurs, on peut lire dans Jérémie, chapitre 20, verset 18, c'est Jérémie qui parle. « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel ? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. » Waouh ! Bienvenue au voyage de 40 jours. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel ? Pourquoi suis-je né en fait ? Pourquoi ma mère m'a-t-elle mis au monde ? Pourquoi suis-je là sur terre ? Il y a un artiste peintre qui s'appelle Jack Hanley qui a écrit, je vous montre sa photo, juste là, qui a écrit « J'espère que la vie n'est pas une blague, parce que je ne la comprends pas. » En pensant à ça, je pense aussi à quelqu'un d'autre en fait, un chanteur qui est décédé depuis quelques années. Vous serez peut-être surpris de voir sa photo dans l'église, et je comprends, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce chanteur, il s'appelle Freddie Mercury. Et il est mort il y a un bon nombre d'années, En fait, je disais, vous serez peut-être étonné que je mette sa photo dans l'église parce que cet homme n'a pas été un modèle de vertu et de morale chrétienne, c'est le moins qu'on puisse dire, mais n'empêche que, je le disais la semaine dernière, me semble-t-il, il est quand même intéressant d'écouter le message que les artistes véhiculent, quelle que soit la vie qu'ils mènent, parce que justement, les messages qu'ils véhiculent sont l'écho du questionnement qui est en eux et qui se trouve en tout être humain, y compris parfois les gens les plus connus, les plus populaires, parfois les plus riches, et qui ont les mêmes questionnements que toi et moi, et ils sont à la poursuite d'une réponse. Et juste avant sa mort, donc il est à la fin de sa vie, pardon, donc à l'âge de 45 ans, et juste avant qu'il ne meure du sida, eh bien il a chanté une chanson, une de ses dernières, si pas la dernière, qui s'appelle « Show Must Go On ». Vous connaissez peut-être cette chanson, qui a été un tube, qui l'est toujours plus ou moins. Et en fait, dans cette chanson, il répète régulièrement « Does anybody know what we are living for ?» Ça veut dire en français « Est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous vivons ?» Je vous ai juste affiché quelques-unes de ces paroles. Ce sont les paroles de cette même chanson, Show Must Go On. C'est le vide. Pourquoi vivons-nous? Est-ce que quelqu'un sait ce que nous cherchons? Encore et encore, est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous vivons? À l'intérieur, mon cœur est brisé. Mon maquillage est en train de se fissurer. Encore et encore, est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous vivons? Cette question existentielle, pourquoi est-ce que je vis, qui est dans ton cœur en partie, qui est dans le mien, qui est dans le cœur de cet homme, qui est dans le cœur de tout être humain, quelle que soit la vie qu'il mène, quelle que soit son origine, son milieu ou bien son aboutissement, qu'il soit riche ou pauvre, connu ou totalement inconnu, il se pose la même question. Et ce qui me touche malgré tout, c'est que cet homme qui était un des plus connus au monde en son temps, parce qu'il remplissait, je veux dire, même pas des stades, mais des champs avec des centaines de milliers de fans qui venaient le voir. Eh bien, cet homme qui était tellement connu et tellement riche, à la fin de sa vie, continuait à se poser la question, mais est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous vivons? Ma prière pour moi et pour toi, c'est que toi et moi, nous puissions savoir avant notre mort, et le plus tôt possible, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai le souffle de vie? Pourquoi est-ce que j'existe? Parce qu'une vie sans sens est triste, vide, frustrante et déprimante. Vous le savez sans doute, mais en France, la deuxième cause de mortalité des adolescents, c'est le suicide. Bienvenue au voyage de 40 jours. C'est le suicide, le deuxième taux de mortalité chez les adolescents. Donc c'est une bonne nouvelle, entre guillemets. Premièrement, parce que ça veut quand même dire que toutes les maladies, les épidémies, les infections, etc., tout ça se sont jugulées, ce qui fait que maintenant, on n'a plus, la majorité des gens de moins de 25 ans ne meurent plus de maladies. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans, c'est les accidents de la route. Et la deuxième, ce sont les suicides. Il y a tant d'adolescents qui se posent la question, mais pourquoi je suis sur Terre? Mais en fait, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de faire des études? À quoi ça sert d'exister? Et ils passent tous, en fait, par une période de leur vie où ils se questionnent sur le sens de la vie. Et après, on se fait des raisons, on se dit, bon, ben, vivre, c'est quoi? C'est, je suis obligé de travailler, donc je travaille. C'est bien d'avoir une famille, donc j'ai une famille. Voilà, j'ai mon emploi du temps. J'ai mes biens matériels et on se fait une raison. Mais n'empêche que pendant toute notre vie, régulièrement, la même question revient dans notre tête et dans notre cœur. Mais au fond, pourquoi est-ce que je vis? Ça sert à quoi de vivre? Et malheureusement, parfois, on s'accommode de ne pas avoir de réponse. Mais demeure en nous ce vide et cette frustration. Et parfois cette dépression. Mais pourquoi est-ce que je vis? Je suis, tu es, nous sommes, vous êtes, ils sont, en quête du sens de la vie. Parce que le sens de la vie se conjugue aussi. Vous n'avez pas pu ignorer, je pense, le succès national d'un film qui a surpris de par son succès. C'est Des hommes et des dieux. Des hommes et des dieux. C'est quand même surprenant que ce film ait eu un tel succès. Un tel succès pour un film à petit budget, pour un film qui raconte l'histoire de moines en Algérie qui se trouvent isolés, qui vivent en communauté et qui vivent leur vie de tous les jours, voilà, sans effets spéciaux, sans cascades. Moi, je me suis dit, mais si au moins les moines, ben, ça avait été Brad Pitt et Angelina très très jolies, ben, je veux dire, j'aurais compris le succès. Mais non, en fait, ce ne sont que des hommes normaux, je veux dire, dans une vie normale, en tout cas à la recherche du sens de leur vie, et qui vivent une relation personnelle avec Dieu. Et ce film a eu tellement de succès parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de réponse dans leur environnement, et qui se disent, dans ce film, il y a une profondeur dont j'ai besoin moi. Et c'est ce que beaucoup de gens se sont dit en voyant ce film, et ils en ont parlé aux autres, et d'autres sont allés le voir, parce que toi et moi, et tout être humain, se posent la question, mais au fait, pourquoi est-ce que je vis ? Il y a de nombreuses façons d'essayer de trouver le sens de sa propre vie, mais souvent, elles conduisent à des impasses. L'astrologie, l'occultisme, le développement personnel, les drogues, des voyages mystiques et toute autre expérience X ou Y. D'ailleurs, même la philosophie, il y a différentes philosophies de vie. Il y a les plus anxieux qui disent que le but de la vie, c'est de rester en vie. C'est déjà bien, ça s'appelle la théologie de la survie. Et il y a les écologistes qui disent que le but de la vie, c'est de se reproduire, de se perpétuer, de reproduire, de multiplier l'espèce, même si c'est un côté agréable, c'est pas forcément une fin en soi. Beaucoup de chanteurs de rap pensent, leur philosophie, c'est que le but de la vie, c'est de s'amuser. Et il y a également la philosophie matérialiste qui pense que le but de la vie, c'est d'acquérir un maximum de choses pendant que je suis capable de le faire parce qu'après, il n'y a plus rien. Mais est-ce que une seule de ces philosophies de vie peut satisfaire la quête profonde du cœur de l'homme que nous sommes, ou de la femme que nous sommes, toi ou moi, et tout être humain qui existe sur cette terre, croyant ou incroyant? Est-ce que ces motivations te suffisent pour te lever tous les matins et pour animer ta vie? Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi Dieu m'a-t-il mis sur terre? Le sens de ma vie dépasse mes instincts spontanés, dépasse même ma réussite matérielle et même relationnelle. Le sens de ma vie. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Et la première façon de trouver le sens de ta vie, c'est de t'adresser à celui qui t'a donné la vie. Il n'y a pas de sens satisfaisant sans Dieu. Il n'y en a pas. Il y en a, mais ce n'est pas suffisamment satisfaisant pour nourrir toute une vie. Alors je vous invite à prendre votre Bible, si vous en avez une, dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Donc c'est dans le Nouveau Testament ou le Deuxième Testament, vers la fin de la Bible. Vers la fin, mais pas à la fin. Vous trouvez Colossiens chapitre 1, voilà, versets 16 et 17. Colossiens 1, versets 16 et 17. Et là, voilà ce qui est dit. Colossiens 1, 16 et 17. En effet, c'est en Jésus que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et même les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et tant que je refuse cette réalité, je ne pourrai pas trouver le sens de ma vie parce que je serai à côté de ma raison même d'exister. Parce que tout a été créé par Christ, par Jésus-Christ. Et tout a été créé pour Jésus-Christ. Et donc, moi vivant, toi vivant, nous êtres vivants, nous devons admettre cette réalité et revenir à l'essentiel de mon existence qui est de retrouver ce lien peut-être brisé ou peut-être ce lien distendu ou éloigné ou en tout cas pas suffisamment important et prioritaire, celui de ma relation avec Christ. Parce qu'il n'y a pas de sens dans la vie sans relation avec Christ. Et c'est pour cela que je remercie grandement Cathy d'avoir fait ce magnifique trône. Vous savez, Cathy, elle a eu vraiment un don de Dieu, tout comme chacun de nous. Cathy, on lui donne 3 bouts de ficelle et elle fait un truc incroyable. Cathy, elle n'a pas besoin de budget, Cathy, en fait. Vous lui dites juste, vous lui donnez 2 euros et vous lui dites, je veux une voiture en or, elle le fait. Vous lui dites, vous lui donnez un bâton, un pot de Nutella et un bout de ficelle, elle construit une maison. C'est comme ça, c'est Cathy. Elle nous a fait ce magnifique trône que nous avons voulu avoir en place à partir d'aujourd'hui et cela pendant toute la durée des 40 prochains jours pour nous rappeler qu'il y a un trône, il y a le centre. Il y a une seule place sur le podium et c'est celle de Dieu. Ce n'est pas ta place, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la place de ton argent. Ce n'est pas la place de ton temps. Ce n'est pas la place de ta famille. Ce n'est pas la place de ta santé. Ce n'est pas la place de tes enfants ou de ton métier ou de tes projets personnels. La première place, c'est la place de Dieu. Et tout le reste de ce que je viens de dire est important et a sa place, mais pas la première place. Et tant que tu ne donnes pas à Dieu la première place, eh bien alors tu ne peux pas trouver le sens de ta vie. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Alors pourquoi Dieu veut-il que je sois là ? Sur cette terre, pourquoi suis-je en vie ? Y a-t-il une raison ? Oui, il y a une raison. La Bible dit dans Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Proverbe chapitre 16 et verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Tout existe dans un but. Tout existe sur cette terre, pardon, dans un but. Dieu n'a jamais créé un gadget, jamais. Même les pierres, les végétaux, les animaux, même ceux qui nous ennuient, comme les souris, je sais de quoi je parle, j'en ai une qui m'agace dans la maison quelque part, j'arrive pas à l'attraper. Donc ben voilà, en fait, elle mange le lardon qu'il y a sur la tapette et la tapette ne se déclenche pas. Je crois que nous avons affaire à une souris mutante, mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, tout existe sur Terre avec un but. Vous connaissez la chaîne alimentaire ? Tout existe avec un but. Tout existe, chaque pierre a un but. Et des fois, il suffit de construire au mauvais endroit, de niveler le mauvais terrain pour se rendre compte quelques années après, finalement, que c'était une zone inondable, finalement, qu'il y a eu un glissement de terrain, etc. Parce que tout a un but sur la Terre. Jamais Dieu n'a créé de gadget. Jamais Dieu n'a la notion de futilité. Jamais ça n'existe pas dans la tête de Dieu et dans le cœur de Dieu. Donc, tout existe avec un but. Et toi aussi, il t'a créé, il t'a fait venir sur Terre avec un but. Dieu t'aime à un point difficile à imaginer et à mesurer. D'ailleurs, dans Romains chapitre 5, verset 8, vous l'avez là, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, donc nous, c'est toi et moi, en ce que lorsque tu étais encore un pécheur, un homme, une femme éloignée de Dieu, quelqu'un qui ne se souciait pas de Dieu, eh bien alors Christ est mort pour toi. » Et ça, c'est la preuve de son amour. Il aime et il le prouve. Il le dit et il le prouve. Pendant les 40 prochains jours, nous allons trouver les moyens de connaître et de vivre les 5 buts que Dieu a pour ta vie. Les raisons même pour lesquelles Dieu t'a mis sur cette planète. Mais la première question, justement, c'est pourquoi est-ce que je suis sur Terre ? Eh bien, c'est pour vivre avec Dieu. C'est pour donner à Dieu la première place dans ta vie. Ça, c'est le premier point. La première chose importante. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi je vis ? Je ne sais pas si Freddie Mercury un jour lit la Bible. Je ne sais pas si un jour il a rencontré des chrétiens. Je ne sais pas si un jour il a mis les pieds dans une église. Je l'espère de tout cœur. Je ne sais pas si un jour il a entendu ce message ou s'il a cru ce message. Mais je pense que s'il avait plus tôt dans sa vie cru cette parole que Dieu veut la première place dans sa vie, je pense que sa vie aurait été toute différente. Toute différente, c'est certain. Deuxième question, ma vie a-t-elle de la valeur ? Est-ce que je compte pour quelqu'un aujourd'hui ? Je ne parle pas que pour mon comptable. Est-ce que je compte pour quelqu'un aujourd'hui ? Oui, je compte. Pour mes proches ? Oui, je compte. Pour mes amis ? Je compte pour ma famille, si j'en ai une, et je pense que j'en ai une, plus ou moins en tout cas. Mais aussi, je compte pour Dieu, au-delà de ce que j'imagine. Au-delà de ce que j'imagine, je compte pour lui. On va lire dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 44, verset 2. Ésaïe chapitre 44, verset 2. Ésaïe 44 et verset 2. La question c'est, ma vie a-t-elle de la valeur ? Alors voilà ce que Dieu dit au temps d'Ésaïe. Voici ce que je te déclare. Moi, le Seigneur qui t'ai fait, je t'ai formé dès avant ta naissance. Voici ce que je te déclare, moi, le Seigneur qui t'ai fait. Il parle à un être humain comme vous et moi. Il parle à un croyant, mais c'est vrai aussi pour le non-croyant. C'est moi qui t'ai fait. Et si c'est clair, c'est Dieu qui t'a fait. C'est lui qui t'a donné la vie. Alors tes parents avaient peut-être un projet d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 enfants, peu importe. Ça dépend. Ils avaient un projet d'avoir des enfants, ou peut-être qu'ils avaient un projet de pas en avoir, et hop, tu es arrivé. C'était une surprise. Je dirais, ça c'est une chose. Peut-être que tu as été très aimé par tes parents, peut-être que tu as été pas très aimé par un de tes parents, peut-être que tu as été abandonné à ta naissance ou peu après. Ça, ce sont des réalités que vivent des gens parmi nous ou ailleurs. Ça, ce sont des réalités, c'est vrai. Mais il y a une chose qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est que Dieu t'a voulu. C'est que si tu es sur terre, c'est parce qu'il t'a donné la vie. Il t'a voulu, il t'a souhaité. Et même avant que tu naisses, eh bien, il te connaissait et il t'aimait. Il t'aimait déjà dans sa pensée et dans son cœur, avant même que ta maman n'ait fait un test de grossesse. Il te connaissait et il t'aimait déjà. Je n'invente pas, c'est dit. D'ailleurs, c'est même redit dans le psaume 139, verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe. C'est vrai qu'au début, ça ne ressemble pas trop à grand-chose pour ceux qui ont des échographies. Mais tu me voyais. Tu me voyais. Et dans ton livre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné. Vous voyez le but ? Avant même qu'on voit quelque chose sur une échographie, le troisième mois à peu près, ou un peu avant même, on voit quelque chose déjà. Mais avant même que dans la loi française, tu sois considéré comme un être humain à part entière, eh bien Dieu t'aimait, Dieu avait une destinée pour toi, Dieu avait des buts pour toi. Amen. C'est merveilleux, vous ne trouvez pas ? Dès le début, qui que tu sois, quel que soit ton contexte familial, favorable ou non, Dieu avait des projets pour toi. Pourquoi suis-je sur terre ? Parce que Dieu t'a voulu. Est-ce que ma vie a un but ? Est-ce que ma vie a-t-elle de la valeur ? Oui ! Parce qu'aux yeux de Dieu, il t'aimait déjà avant même que quel que soit l'être humain, il t'aime puisqu'il ne savait même pas que tu étais déjà en préparation. Mais lui, il le savait et il t'aimait déjà. Ta vie a-t-elle de la valeur ? Oui ! Puisque Dieu t'a désiré, il t'a voulu lui, c'est sûr. Il t'a donné la vie pour t'aimer et tu comptes beaucoup pour lui. La Bible dit, une mère n'abandonne pas ses enfants. Malheureusement, il arrive que des pères parfois abandonnent leurs enfants. Mais une mère, c'est très très rare qu'une mère abandonne ses enfants. C'est très très rare. Mais malheureusement, ça aussi, ça arrive parfois. Très rarement, mais ça arrive parfois. La Bible dit, une mère n'abandonne pas ses enfants. Mais même si elle le faisait, dit la Bible, moi, je ne t'abandonnerai pas. C'est merveilleux, vous ne trouvez pas ? Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, on est tous égaux. On est tous au même niveau. Encore une fois, qu'on ait une enfance favorable, bienfaisante, protectrice ou non. En fait, aux yeux de Dieu, on a les mêmes chances. On a le même amour. On a le même intérêt à ses yeux. Moi, je ne t'abandonnerai pas, dit Dieu. J'aimerais demander à Marie de venir me rejoindre parce que Marie va nous interpréter un chant ce matin sur l'amour de Dieu, sur l'amour et celui de Dieu. Donc j'aimerais te laisser la place et te laisser nous exprimer ton chant. Seigneur, dis-moi pourquoi tu m'aimes. Je t'ai cloué, maltraité, mais tu m'as sauvé. Je ne te comprends pas, j'étais si loin de toi. J'ai tant brisé ton cœur, pardonne-moi Seigneur. Oh mon Jésus, quel amour, mon âme te bénira toujours. Tu fus condamné et crucifié pour mes péchés. Seigneur, dis-moi pourquoi tu m'aimes. Tu as subi l'agonie, mais tu m'as guéri. Je ne méritais pas que tu déposes les yeux sur moi. Moi qui n'étais rien, tu m'as tendu la main. Oh mon Jésus, quel amour, mon âme te bénira toujours. Tu fus condamné et crucifié pour mes péchés. Seigneur, dis-moi pourquoi tu m'aimes. Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? Dis-moi. Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? Dis-moi. Merci Seigneur. Merci Marie pour ton chant. Merci pour ce chant merveilleux, magnifique, qui nous centre sur l'amour de Dieu. Ma vie a-t-elle de la valeur? Est-ce que je compte pour quelqu'un? Oh oui que tu comptes pour quelqu'un. Tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu. Marie nous l'a rappelé dans son chant. Et régulièrement, dans les prochains cultes, nous allons à chaque fois avoir quelque chose de spécial qui va marquer notre culte pour peut-être nous permettre de vivre autre chose pour qu'on sorte un peu de l'habitude et que nous revenions à l'essentiel. Dieu a des projets pour toi qui sont ici-bas et Dieu a des projets pour toi qui sont dans l'au-delà. Dans le psaume 33, verset 11, il est dit que les desseins de Dieu, donc les projets de Dieu, subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. De génération en génération, pour toujours. Une des façons de gâcher sa vie ou de gaspiller sa vie, c'est de croire que tout ce qu'il y a à vivre se trouve ici-bas et qu'il n'y a rien d'autre et qu'il n'y a personne d'autre. Mais pas du tout. Mes amis, il y a beaucoup plus à vivre après la mort qu'avant la mort. La période de vie, si je peux m'exprimer ainsi, après la mort sera beaucoup plus longue qu'avant la mort. Quelqu'un un jour a dit que, pour prendre une image, c'est comme si on prenait un mètre ruban, on va imaginer qu'il soit très très long, on va le placer ici, à Pontoise, et on va le tirer jusqu'au Japon, par exemple. Puisque malheureusement, en ce moment, on voit régulièrement des cartes, pour des raisons tristes, mais on voit des cartes où se trouve le Japon, donc on va jusqu'à l'autre bout, comme ça, et on tire un mètre ruban. Eh bien, en fait, la vie sur Terre serait l'équivalent d'un millimètre sur la longueur de ce ruban, pour donner une idée. Mais en fait, ce sera encore beaucoup moins qu'un millimètre. La vie sur Terre est beaucoup plus courte et beaucoup moins remplie que ne le sera la vie dans l'au-delà. Il y a plus à vivre ici qu'après cette vie. Il y a plus à vivre après cette vie, pardon, qu'ici. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, il est dit « Nous savons en effet que si cette tente » C'est une image pour parler du corps, hein, on ne parle pas de camping, hein, bien sûr. Cette tente, donc mon corps, ça montre la fragilité, ça montre l'idée d'un domicile qui se déplace, une tente, voilà, vous comprenez l'idée. Donc cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, si notre corps est détruit, s'il meurt de maladie, d'accident, de vieillesse, eh bien nous savons que nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Je dois savoir, quand je fais mes projets, quand je construis ma vie, quand j'existe, quand je pense, quand je prie, quand je réfléchis au sens de ma vie, je dois savoir que Dieu me prépare une place après ma mort. Si je crois en lui, si je marche avec lui, si je lui confesse mes péchés, si je fais tout pour obéir à sa parole avec de toutes mes forces, si je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, et si j'aime mon prochain comme moi-même, alors je peux être sûr qu'il me prépare une place parce qu'il y a des conditions, évidemment. Évidemment, parce qu'il ne prépare pas une place à ceux qui le refusent, qui le rejettent et qui ne croient pas en lui et qui jusqu'à leur mort disent « Dieu, tu n'existes pas, je ne veux pas de toi ». Non, il prépare une place à ceux qu'il aime, à ceux qui aiment Dieu. D'ailleurs, il l'a dit à ses disciples « Je m'en vais vous préparer une place ». Si ça n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Mais c'est la vérité. Je vais vous préparer une place. Tu veux savoir à quel point tu comptes pour Dieu? Eh bien, je vais te le dire. Tu comptes tellement pour Dieu qu'il veut que tu sois bien auprès de lui pour le restant de l'éternité. On fait ça pour les amis, on ne fait pas ça pour les ennemis. On fait ça pour les amis, on ne fait pas ça pour les autres. Il veut que tu sois bien auprès de lui pour le restant de l'éternité. Et il veut ça pour tout être humain, croyant ou non croyant. Mais la Bible dit que tout le monde n'aura pas accès à cette réalité dans l'au-delà. Seulement ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie et qui vivent selon sa volonté. Amen. Troisièmement et dernièrement, ma vie a-t-elle un but ? Ma vie a-t-elle un but ? Bertrand Russell, dont vous avez peut-être entendu parler ou pas, moi j'ai entendu parler très récemment de lui, j'ai fait quelques recherches, et là j'ai trouvé qu'il s'agit d'un des plus grands mathématiciens et philosophes, je ne savais pas que ça allait ensemble, ça peut, parfois, philosophe et mathématicien gallois du siècle dernier, un des plus grands mathématiciens et un des plus grands philosophes, a créé et est le fondateur de ce qu'il a appelé la philosophie logique. Là aussi, si j'avais su ça à mon bac de philo, moi j'aurais choisi lui, c'est sûr, parce que j'ai jamais compris la philo. Pourtant, j'ai fait des efforts. Mais non. Et quand je croyais comprendre, c'est là où j'avais des mauvaises notes. Alors, j'ai jamais compris, en fait. Bon, c'est comme ça. Mais lui, il a créé la philosophie logique. Mais cet homme était parfaitement athée. Pour lui, la religion, le concept de Dieu, était un concept totalement, non seulement étranger, mais à rejeter. C'était la philosophie logique. Et malgré son athéisme, voilà ce qu'il a dit. À moins que vous ne supposiez l'existence de Dieu, la question du sens et de l'objectif de la vie n'a pas d'intérêt. Cet homme a dit que si je ne crois pas en l'existence de Dieu, alors je n'ai même pas à me poser la question sur le sens de la vie parce qu'il n'y en a pas. Par contre, si je veux trouver un sens dans la vie, si je veux trouver un objectif dans ma vie, eh bien à ce moment-là, je suis obligé de croire en Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut donner du sens et un objectif à ta vie et à la mienne. Sans Dieu, il n'est pas possible de trouver le sens et le but de ta vie. Et c'est pour ça que la seule façon de connaître mon but, mon objectif de vie, c'est de me tourner vers Dieu. Tu as des projets, j'en ai. Mais quels sont les buts de Dieu pour toi ? Parce qu'une fois que tu auras accompli un projet, je m'en rends compte dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent, chrétiens ou non. En général, quand on a accompli un projet personnel, on est content, on est satisfait, on est fier de soi, et souvent, et parfois c'est justifié, mais et après ? Il en faut un autre. Et quand on a fait l'autre, et après ? Ça ne suffit pas pour remplir une vie. La seule façon de trouver le vrai but et le vrai sens de ta vie, c'est de te tourner vers Dieu, de savoir ce que Dieu veut de ta vie à toi. Parce que Dieu est à l'origine de tout, y compris des véritables buts de ma vie et de la tienne. D'ailleurs, la Bible commence au tout début de la Genèse par dire « Au commencement, Dieu créa ». Au commencement de tout, il y a Dieu. Dans Proverbes chapitre 9 et verset 10, il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Si pour moi Dieu est un étranger, je manque de sagesse. Je suis loin d'avoir la sagesse. Tu peux connaître le but de ta vie. Tu peux apprendre à connaître Dieu. Et c'est ce que Dieu veut t'aider à faire. Plus tu apprends à connaître Dieu, et plus tu vas comprendre les voies de la sagesse de Dieu, et plus tu vas comprendre le but même et la raison de ton existence. Tout commence avec Dieu, parce que tout concerne Dieu. Tout a été fait par lui et pour lui. Au commencement, Dieu. Et c'est pour cela que je prends du temps particulièrement avec Dieu pendant les prochains 40 jours. Et toi aussi d'ailleurs, parce qu'il y a dans l'église énormément de gens qui sont inscrits. Dans l'église, il y a 77 adultes qui se sont inscrits à lire la méditation quotidienne tous les jours pendant 40 jours. 77 adultes. J'étais impressionné. Merci Seigneur. Vous savez, nous avons dans notre cœur une telle envie de trouver le sens de la vie et de vivre une vie qui a du sens. 77 adultes. Il y a 15 ados qui se sont inscrits pour lire la méditation quotidienne. Il y a environ 30 enfants entre 4 et 8 ans, pas eux, mais leurs parents les ont inscrits, pour faire la méditation quotidienne. Vous voyez le monde que ça engendre. Et il y a environ 51, si je ne me trompe pas, personnes qui ont commandé le livret pour le groupe de maison, afin de participer à un groupe de maison. Sur les 51, il y en a seulement 35 qui se sont inscrits à un groupe de maison. Alors, je n'ai pas compris le décalage d'ailleurs, mais ils ont acheté le livret du groupe de maison parce qu'ils ont dû oublier de s'inscrire. Mais certainement qu'ils vont y venir. Donc c'est pour vous montrer à quel point nous avons envie, pendant ces 40 jours, de mettre du temps à part pour chercher la face de Dieu, la volonté de Dieu et véritablement le sens de ma vie. Parce que je pense que toi et moi, nous sommes frustrés d'avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. D'ailleurs, si on met bout à bout les prochains cultes, donc les 7 prochains cultes qui durent environ 2 heures, si on met bout à bout la méditation quotidienne qui dure environ 15 minutes par jour, si on met bout à bout la participation au groupe de maison d'environ 1h30 par semaine, si on met tout ça bout à bout pendant les 6 prochaines semaines, eh bien on arrive environ, en comptant large, à 48 heures. 48 heures. Qu'est-ce que c'est 48 heures dans une vie ? Qu'est-ce que c'est 48 heures dans une éternité ? 48 heures, c'est quoi 2 jours ? Eh bien, le temps que tu vas investir dans ta relation avec Dieu, dans ta réflexion, dans ta méditation et dans ta consécration pour Dieu, ça représente seulement 48 heures. C'est merveilleux. Amen. Pouvoir mettre 48 heures et trouver le vrai sens de sa vie. Et c'est ce que chacun de nous va faire pendant les 40 prochains jours. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous lever avec moi. Et j'aimerais prier ce matin. J'aimerais prier pour terminer ce culte, pour terminer cette prédication. Prier, parce que notre démarche est spirituelle. Il n'y a pas que la prière qui est spirituelle. L'écoute de la parole, la lecture, la prédication de la parole, le chant, la méditation, mon travail. Quand je dis mon travail, c'est le travail de chacun d'entre nous. Ce que je fais tous les jours, ma vie de famille, si j'en ai une, ma vie de célibataire, mes occupations, quand je mets Dieu au centre, tout ce que je fais est spirituel. Tout ce que je fais a un sens spirituel parce que je mets Dieu au centre. Ce n'est pas que dans l'église ou que quand je prie que les choses sont spirituelles. Et c'est ça justement qui est merveilleux. C'est que Dieu donne du sens à ma vie dans tous ces domaines. Alors je vous propose de fermer les yeux si vous le voulez bien. Et puis de prier dans vos cœurs avec moi. J'aimerais faire cette prière qui va certainement représenter la prière que nous avons tous à cœur ce matin. Certainement au moins la majorité d'entre nous, parce que je ne peux pas m'engager pour tout le monde. C'est chacun qui est devant le Seigneur. Mais j'aimerais prier en notre nom à tous ce matin. Cher Père, je réalise que sans toi, je ne serais pas en vie. Je réalise que c'est toi qui m'as amené à l'existence. Je réalise que parce que tu m'as créé, tu as forcément un but pour moi. Puisque tu ne fais rien sans but. Je reconnais que je me suis concentré sur les objectifs de ma vie jusqu'à présent, bien plus que sur les tiens. Je reconnais que je me suis souvent demandé ce que je vais faire et comment tu vas pouvoir bénir ce que j'ai envie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux de moi? Qu'est-ce que toi tu attends de moi? Je veux connaître les buts que tu as fixés pour moi, car ils sont bons pour moi et ils sont bons pour les autres. Je consacrerai les 40 prochains jours de ma vie à mieux les connaître et à les mettre en pratique. Merci de m'avoir fait pour m'aimer. Merci de m'avoir aimé même avant que je n'existe parmi les hommes. Merci de m'avoir aimé avant même que moi je te connaisse et que je t'aime en retour. Merci parce que j'ai été fait pour vivre pour l'éternité. Je veux, Seigneur, mon Dieu, une vie pleine de sens. Je veux commencer par mieux te connaître. Et donc, au mieux de ma compréhension, je te demande, Seigneur Jésus, de venir dans ma vie et de m'aider à comprendre tes buts pour moi. Je veux faire le premier pas aujourd'hui. Et je veux mettre ce temps à part de 40 jours pour penser, pour comprendre, pour méditer, pour lire, pour écouter, pour prier et pour vivre les objectifs, les buts que tu as pour ma vie. Je ne veux plus que ma vie aille dans tous les sens sans atteindre un but. Mais je veux que tu diriges ma vie et je veux aller dans le sens que tu as prévu pour moi. Alors à toi seul soit toute la gloire parce que tu es le seul Dieu. Et pendant les 6 prochaines semaines, je veux mettre entre parenthèses les sollicitations annexes ou secondaires qui occupent ma vie jusqu'à aujourd'hui et je veux consacrer du temps pour toi et je m'y engage au nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont d'accord avec cette prière disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Mes frères et sœurs, la démarche que nous faisons est très sérieuse. Elle est très sérieuse. Elle est profonde et solennelle. Nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis là, parle-moi. Je suis là le dimanche matin, mais pas que le dimanche matin. Je suis là en pensée pour toi. Et je te demande, s'il te plaît, je t'en supplie, révèle-toi à moi pour que je sache ce que tu veux pour moi. Et quoi que nous fassions pendant les 40 prochains jours liés à ce voyage, que ce soit notre lecture quotidienne à travers le livre, une vie motivée par l'essentiel, que ce soit notre participation au groupe de maison, que ce soit notre participation au culte ou notre prière personnelle, quoi que ce soit, faisons-le dans un état d'esprit spirituel. Faisons-le dans un état d'esprit de remise en question et de réflexion sur ma propre vie. Nous ne sommes pas en train de nous joindre à une méthode ou à une technique quelconque de quoi que ce soit. Nous sommes en train de nous retrouver face à Dieu et de dire, Seigneur, parle-moi. Je veux vivre ta volonté pour moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors tout à l'heure, à la fin du culte, d'ici 5 minutes maximum, eh bien, Christine elle sera accompagnée en fait pour vous remettre les livres que vous avez commandés et vous pourrez en même temps les lui régler. Si vous faites un chèque, faites-le à l'ordre de à cœur ouvert. Alors la semaine dernière, Satan a fait un chèque à l'ordre de l'Église de Dieu parce que nous vous avons donné une mauvaise information. Mais après nous être renseignés, la façon la plus appropriée, en fait, c'est que l'échec soit fait à l'ordre de Hacker Ouvert, qui est l'association culturelle de l'Église, et c'est elle qui va donc payer ses livres et qui va recevoir votre argent pour rembourser les livres qu'elle aura payés, tout simplement. Donc, si vous faites un chèque à l'ordre de Hacker Ouvert, tout simplement, et du montant qui vous sera mis sur la fiche, qui sera jointe. Si jamais vous n'avez pas commandé les livres ou un des livres et que vous en voulez un, s'il vous plaît, prenez-le. J'en ai commandé environ 20 de plus, les livres de méditation quotidienne, pour que même ceux qui n'ont pas pensé s'inscrire ou ceux qui étaient absents et qui ont changé d'avis, eh bien, puissent s'inscrire quand même. Il vaut mieux venir plus tard que de ne pas venir. Donc nous sommes dans un voyage. Ne descendez pas en plein vol, s'il vous plaît. Plus dure sera la chute. Donc je vous recommande de rester à bord pendant toute la durée du voyage, de garder vos ceintures attachées et de rester concentré sur notre destination. Amen.